Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus bon que ton nom. Rien n'est plus sain que le sang. Ton salon et ta fidélité, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter mes larmes à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Redoutables du Seigneur Yahvé se sont rendus au Pérou et plus de 15 fois l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, a reçu des prophéties au sujet de Lima Pérou, au sujet de cette mission à Lima Pérou. Voyons les prophéties qui ont annoncé, les près de 15 prophéties qui ont annoncé cette pluie du Saint-Esprit qui arrivera, cette visitation que toute la terre pouvait voir puisque elle était diffusée par Internet. Et dans cette prophétie du 26 juillet, vous entendez les deux prophètes extraordinaires de Jéhovah Yahvé dire que leur simple présence, Dieu le dit, que leur simple présence à Lima Pérou ouvre les cieux. C'est une merveille. Oui, c'est une merveille. Ils ont la clé, l'autorité extraordinaire, la clé d'or, le pouvoir extraordinaire et l'autorité d'ouvrir ou de fermer les cieux. C'est nouveau, c'est un autre niveau que leur simple présence puisse ouvrir ou fermer les cieux. Ils ont la clé d'or Et vous avez entendu les deux prophètes extraordinaires du Seigneur Yahvé. On dit les mots saints du Seigneur, que les cieux s'ouvrent et que des torrents de pluie de bénédiction tomberont à Lima, Pérou. Par voix, le Dieu Tout-Puissant l'a dit aussi. Et après, ils l'ont dit à nouveau. Et le Dieu Tout-Puissant l'a dit, ce qui veut dire que ce que l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur dit, c'est la parole du Seigneur lui-même. Il parle la parole du Dieu Tout-Puissant. Quand ils ont eu dit la parole sainte du Seigneur, le Seigneur Tout-Puissant l'a dite après eux. Et quand ils l'ont dite à nouveau, le Dieu Tout-Puissant l'a dite à nouveau. Et ce qu'ils ont dit est arrivé. La parole qui sort de leur bouche est la parole du Dieu Tout-Puissant lui-même. Ils ont décrit le 26 juillet les petites gouttes de pluie. Les deux prophètes extraordinaires du Seigneur Yahvé ont vu, plus de 3 mois à l'avance, ils ont vu, dans la prophétie du 26 juillet, ils ont vu les petites gouttes de pluie. Et ils se sont tellement réjouis. Ils se sont tellement réjouis ces derniers jours à Lima, Pérou. Ces derniers jours où cette pluie, ces petites gouttes de pluie que l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, avait vu plus de 3 mois à l'avance. Et ce jour du 28 octobre 2018, les deux témoins extraordinaires d'Apocalypse 11 a senti ces gouttes. Il les a senties, ces gouttes qu'il avait vues plus de 3 mois à l'avance. Quelle joie quand la prophétie est accomplie. Quelle joie de sentir ces gouttes de pluie. Les petites gouttes de pluie qui tomberaient ce jour-là. Et c'est ce qui est arrivé, des petites gouttes de pluie. Et une chose que le Seigneur a encore dite dans cette prophétie, c'est que cette pluie vient du trône de Dieu. Elle vient du trône de Dieu. Voilà ce que les deux témoins extraordinaires d'Apocalypse 11 ont dit. Cette pluie vient du trône de Dieu. Cette pluie, ces gouttes, ces petites gouttes, viennent du trône de Dieu. Ce torrent de bénédiction vient du trône de Dieu. Cette pluie que nous avons vue hier dans l'accomplissement des paroles redoutables des deux prophètes de Jéhovah Yahvé, c'était l'accomplissement de ce qu'ils ont prophétisé. Elle venait du trône de Dieu. Et ceci nous parle tellement. Ça veut dire pour nous qu'il commande le trône de Dieu, qu'il demande au trône de Dieu de déverser la pluie et le trône obéit. C'est choquant parce que nous savons qui est assis sur le trône. C'est une visitation très redoutable et effrayante, peuple bien-aimé. Et nous pouvons encore retenir de cette prophétie que non seulement ils ont commandé la pluie de Dieu, cette pluie qui est arrivée à Lima, Pérou, cette pluie, ces gouttes, ces petites gouttes de pluie que les deux prophètes redoutables du Seigneur Yahvé ont senti tomber sur eux, et même d'autres personnes ont senti ces gouttes. Et non seulement la pluie est tombée, mais encore des cristaux réels et même de l'or et des torrents de pluie, de bénédiction du Saint-Esprit. Prenons un moment pour adorer le Seigneur. Alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables. Précieux auditeurs, commençons par la première prophétie qui a été donnée le 26 juillet 2018, c'est-à-dire plus de 3 mois avant cet événement à Lima, Pérou, où la pluie du Saint-Esprit est descendue sur le rassemblement qui était un service de guérison qui avait lieu en plein air le jour où le Dieu Tout-Puissant a envoyé la pluie du Saint-Esprit, cette méga visitation du Seigneur, choquante et redoutable. Les deux prophètes extraordinaires du Seigneur, Yahvé, avaient prévu cette visitation plus de 3 mois auparavant. Voyons la prophétie du 26 juillet 2018. 3 mois avant cette extraordinaire, cette méga et choquante visitation du Seigneur, une visitation redoutable du Seigneur Dieu. 3 mois avant le grand rassemblement de Lima, Pérou, le rassemblement où le Seigneur a déversé sa gloire, sur les deux redoutables prophètes du Seigneur Yahvé. Le Seigneur a donné la pluie du Saint-Esprit dans cet endroit, à Lima, Pérou. Et plus de 15 fois, il avait prédit, le Dieu Tout-Puissant a dit à son fidèle serviteur, il lui a dit, qu'il bénirait, qu'il visiterait là à Lima, Pérou, qu'il interviendrait dans ce grand rassemblement, que le Seigneur ouvrirait le ciel. Dans cette prophétie, les deux prophètes extraordinaires du Seigneur Yahvé ont annoncé, en résumé, l'homme de Dieu a dit quand il est arrivé là-bas à Lima, Pérou, les deux prophètes redoutables du Seigneur Yahvé ont commandé aux cieux de s'ouvrir. Et le Seigneur a parlé par voix. Et le Seigneur a dit, « Je peux voir que les cieux sont ouverts ici, et je peux voir des torrents de pluie du Saint-Esprit, des petites gouttes de pluie. » Et les deux prophètes extraordinaires du Seigneur Yahvé ont vu de petites gouttes. Comme il disait ces choses, l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant, a vu des petites gouttes de pluie. Et une onction massive. Et le prophète le plus puissant dit, c'est un temps de rafraîchissement, peuple bien-aimé. Quand les cieux sont ouverts et des torrents de pluie descendent, une pluie extraordinaire du trône de Dieu, la pluie du Saint-Esprit du trône de Dieu. Le prophète le plus puissant du Seigneur dit à Lima, Pérou, à leur simple présence, les cieux s'ouvriront et des torrents de pluie de bénédiction viendront. Les cieux s'ouvriront et des torrents de pluie viendront. Et il entendit la voix du Seigneur dire, les cieux sont ouverts maintenant ici. Extraordinaire, extraordinaire, peuple bien-aimé. Le 26 juillet 2018, plus de 3 mois avant cette méga visitation choquante de Lima, Pérou, cette visitation redoutable et extraordinaire qui est arrivée plus de 3 mois plus tard. La visitation a été retardée, mais la prophétie s'est accomplie à la lettre. Les deux prophètes extraordinaires du Seigneur décrivent cette visitation très historique comme une visitation massive

qu'il demande au trône de Dieu de déverser la pluie et le trône obéit. C'est choquant parce que nous savons qui est assis sur le trône. C'est une visitation très redoutable et effrayante, peuple bien-aimé. Et l'acte de commander le trône de Dieu, commander aux cieux de libérer la pluie du Saint-Esprit, a été approuvé par le Seigneur Dieu qui a parlé par voix. Choquant, extrêmement extraordinaire. Bien-aimé, il y a eu la prophétie du 26 juillet 2018 et le 2 août 2018. Les deux extraordinaires prophètes du Seigneur Yahvé étaient à Palerme, en Italie. Et à Palerme, quand ils sont arrivés au service de guérison qui avait lieu là-bas, la presse attendait pour prendre note de ce que le Seigneur allait dire, comme les deux extraordinaires prophètes du Seigneur arrivaient en Italie. Pendant cette conférence de presse, à nouveau, les deux prophètes extraordinaires du Seigneur ont parlé de cette visitation très choquante qui était sur le point d'avoir lieu sur terre et qui est arrivée le 28 octobre 2018. Le 28 octobre 2018. Nous avons pu le regarder tout autour de la terre, cette prophétie qui a été donnée lors de la conférence de presse à Palerme. La conférence de presse à Palerme, en Italie, disait « Après cela, je vais à Lima, Pérou », disent les deux prophètes extraordinaires du Seigneur, Yahvé. J'ai déjà vu que lorsque j'irai là-bas, je commanderai aux cieux de s'ouvrir, et les cieux s'ouvriront, et la pluie tombera. Voilà ce que les deux prophètes extraordinaires du Seigneur Yahvé ont déclaré ce 2 août 2018 à la conférence de presse en Italie. Très, très étonnant et très choquant, peuple bien-aimé. Cette visitation si redoutable, si massive, que nous avons vue ce 28 octobre 2018, est arrivé à Lima, Pérou, et a été prophétisé à plusieurs reprises, bien des fois, avant que cette méga visitation choquante arrive. C'est comme si les cieux anticipaient ce moment où ces petites gouttes de pluie, ces torrents de bénédiction auront lieu. Et la question que cela soulève est, qu'est-ce que ça veut dire à propos de la venue du Messie? En quoi ceci est-il lié avec la venue du Messie? Le 3 août 2018, les deux extraordinaires prophètes du Seigneur étaient à Palerme, en Italie. Et pendant la conférence des pasteurs et des ministres de l'Évangile, voilà ce qu'ils ont dit le 3 août 2018. Je vais à Lima, Pérou, et j'ai déjà annoncé que lorsque je serai à Lima, Pérou, et l'endroit est un lieu ouvert où le grand rassemblement aura lieu, et quand je marche là, et je me suis vu moi-même debout là, et commandant aux cieux, disant, écoutez-moi les cieux, je vous commande d'ouvrir et de libérer la pluie du Saint-Esprit. J'ai vu qu'il va y avoir une méga, méga visitation à Lima, Pérou. À Lima, Pérou, il a commandé aux cieux et les cieux lui ont obéi et se sont ouverts et la pluie est descendue. Et la voix de Dieu lui a parlé et a dit, regarde maintenant, une effusion extraordinaire de l'onction du Seigneur est déversée. C'est une visitation très extraordinaire. C'est absolument très choquant, peuple bien-aimé. Le 3 août 2018, à Palerme, en Italie, à la conférence des pasteurs et des ministres de l'Évangile, là-bas, ils ont annoncé qu'ils allaient à Lima, Pérou. Et là, ils commanderont aux cieux. C'est la prophétie qui demande aux cieux de s'ouvrir. C'est choquant, parce que vous entendez dans la prophétie du 3 août 2018, ils ont décrit le champ où le rassemblement aura lieu. Ce rassemblement va se passer dans un champ ouvert. Nous avons vu que c'est arrivé dans un terrain ouvert, au milieu de la ville de Lima. C'était un terrain ouvert. Et ils ont commandé aux cieux de leur obéir. Et ils ont commandé aux cieux de s'ouvrir et de libérer la pluie du Saint-Esprit. Ce n'était pas une requête ou un souhait, c'était un commandement. Commander où? Commander qui? Commander les cieux. Commander aux cieux de libérer la pluie du Saint-Esprit. Et les cieux, ils l'ont dit, doivent obéir. Ils disent littéralement, les cieux doivent leur obéir. À qui d'autre est-ce que les cieux doivent obéir? Avez-vous jamais vu quelqu'un à qui les cieux obéissent? Les cieux de Dieu. Quand le Seigneur dit, les cieux sont mon trône et la terre est mon marchepied. Dans la prophétie du 3 août, vous entendez que la pluie viendrait du trône de Dieu. En d'autres termes, il disait ce jour-là que les cieux doivent obéir, ce qui veut dire le trône de Dieu doit obéir. Ce qui nous dit que celui qui est assis sur le trône doit obéir à ses paroles. Doivent obéir à leurs paroles? Quelle autorité commander au trône de Dieu dans les cieux? commandés au trône de Dieu. Voyez maintenant l'extraordinaire torrent d'onction descend. Les torrents sont déversés là. Des torrents de pluie. Le 3 août 2018, les deux prophètes extraordinaires du Seigneur disent, entre autres, « Je me suis vu moi-même debout là et commandant les cieux en disant « Écoutez les cieux, je vous commande de vous ouvrir et de libérer le Saint-Esprit, la pluie du Saint-Esprit. » J'ai vu que ça va être une méga, méga visitation à Lima, Pérou. À Lima, Pérou, il commande aux cieux et les cieux lui obéissent et s'ouvrent et la pluie descend et la voix de Dieu lui parle aux deux prophètes extraordinaires du Seigneur Yahvé. Vois maintenant une effusion extraordinaire de l'onction du Seigneur est déversée. C'est une visitation très extraordinaire. Le 3 août de l'an 2018, vous ne pouvez pas manquer d'entendre le fait qu'il parle. Les deux témoins extraordinaires du Seigneur parlent avec une autorité complète et avec confiance et audace. Ils commandent aux cieux et les cieux doivent écouter et obéir et s'ouvrir. Choquant, choquant, très très choquant. Peuple bien-aimé, la terre a été confrontée. La prophétie du 4 août. Voilà ce qu'il dit dans cette prophétie. C'est un temps extraordinaire, peuple bien-aimé. L'ouverture des cieux est extraordinaire. C'est grand. J'ai vu Lima, Pérou. Les cieux vont s'ouvrir là-bas. Quand le Seigneur m'enverra là-bas. Quand je serai là-bas. Quand j'arriverai là-bas. Le 4 août de l'an 2018, quand ils arriveront là-bas à Lima, Pérou, les cieux vont s'ouvrir. Ils s'ouvriront. Ce qui veut dire ils doivent s'ouvrir. Les cieux doivent s'ouvrir quand ils arrivent à Lima, Pérou, à leur arrivée à Lima, Pérou. Dans le seul mois d'août, peuple bien-aimé, la prophétie des cieux ouverts d'une manière la plus redoutable, comme nous l'avons vu le 28 octobre, la prophétie a été donnée 6 fois en août, 6 fois dans le seul mois d'août. Le 9 août de l'an 2018, les deux extraordinaires prophètes de Jéhovah Yahvé sont venus sur les ondes, annonçant la visitation si redoutable, si massive de l'ouverture des cieux. À Lima, Pérou, lorsque le Seigneur amène les deux redoutables prophètes du Seigneur là-bas, pour la 5e fois, les deux prophètes redoutables du Seigneur prophétisent sur Lima, Pérou, disant, le Seigneur a déjà parlé à plusieurs reprises. Le Seigneur a parlé, disant que lorsqu'il amènera ces deux prophètes redoutables à Lima, Pérou, il y aura une méga visitation où les cieux s'ouvriront. Les cieux s'ouvriront et le Seigneur, la gloire du Seigneur se déversera des cieux. Je l'ai vu. Ce sont les deux prophètes redoutables du Seigneur Yahvé qui parle. Cette nuit, à nouveau, il me montre maintenant quand le Seigneur envoie son serviteur là-bas. Et il commande aux cieux de s'ouvrir cette nuit passée. Il commande aux cieux de s'ouvrir cette nuit passée. Et dans le processus, je, l'homme de Dieu, vois les cieux s'ouvrir et la pluie tomber. Des gouttes, de belles gouttes de pluie. Et le Seigneur a parlé par voix à nouveau. Dieu le Père parle des cieux et dit, « Regarde, les cieux sont maintenant ouverts ici, à ta présence. » Et les beaux torrents de pluie et de bénédiction sont maintenant déversés des cieux sur ce pays. peuple bien-aimé. Ainsi, le rassemblement à Lima, Pérou. Quel rassemblement impressionnant arrive à Lima, Pérou. Et ensuite, je vois cette fois l'un d'entre eux qui rapporte disant « Regarde, même la nuée de Dieu tombe sur lui. Ainsi, le Seigneur va ouvrir leurs yeux. Certains d'entre eux verront. » C'est la prophétie des deux redoutables prophètes du Seigneur Yahvé. Le 9 août de l'an 2018, en direct sur la radio « Jésus est Seigneur », les deux redoutables prophètes de Jéhovah Yahvé ont annoncé la visitation redoutable du Seigneur Dieu qui prendrait place à Lima, Pérou, commandée par ces deux redoutables prophètes de Yahvé. Et vous entendez dans la prophétie, ils commandent aux cieux de s'ouvrir et la gloire du Seigneur se déverse. Ce que nous avons vu, les torrents, les gouttes de pluie du trône de Dieu et la pluie de cristaux, et ce que nous avons vu le 28 octobre, et les gens qui récoltent, les jeunes et les vieux qui collectionnent les cristaux, qui les prennent en photo et les amènent aux deux redoutables prophètes du Seigneur, des cristaux réels. Peuple bien-aimé, les deux redoutables prophètes du Seigneur Yahvé ont dit « La gloire du Seigneur s'est déversée à leur commandement. » Et de belles gouttes de pluie, de belles gouttes de pluie, ils les décrivent, la sorte de pluie du Saint-Esprit prendrait place là-bas. Et le Seigneur Dieu, encore à nouveau, soutient le commandement qu'il donne au trône de Dieu. Aux cieux, en parlant par voix. Par voix, il dit, les cieux sont ouverts ici, à votre présence. À nouveau, à la présence des deux extraordinaires prophètes du Seigneur, les cieux s'ouvrent. Leur simple présence, à un endroit, peut ouvrir ou fermer les cieux sur une nation, sur des gens ou sur quelqu'un individuellement, confirmant le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, versets 3 et 6, où le Seigneur dit « Je donnerai du pouvoir à mes deux témoins, le pouvoir qu'ils détiennent et le pouvoir de Dieu, le pouvoir du Seigneur. » Et ils ont l'autorité d'ouvrir ou de fermer les cieux sur n'importe quelle nation, sur des gens ou sur un individu. D'une manière choquante, personne bien-aimée, le 9 août, les deux extraordinaires prophètes du Seigneur ont dit que dans cette prophétie, même la nuée de Dieu est tombée sur lui, et que des gens seront en mesure de voir, ce qui veut dire qu'ils ont commandé que leurs yeux puissent être capables d'être ouverts et de voir la redoutable nuée de Dieu le Père. Et nous avons vu, le 28 août, que de même que les belles gouttes de pluie, en effet, sont descendus avec les cristaux des cieux, une grande célébration a éclaté. Nous avons vu que pendant la fête, tout à coup, une célébration et des cris de joie ont éclaté. Alors que les gens ont commencé à voir la nuée redoutable descendre. Dieu le Père qui descend. La nuée redoutable de Dieu qui descendait. La prophétie du 9 août a dit « Même la nuée de Dieu tombe sur lui !» Alors, qui dirige la préparation de la glorieuse venue du Messie? Leurs paroles sont les paroles du Seigneur. Le 26 juillet, après que je l'ai dit, le Seigneur l'a dit. après que je l'ai dit. Le 26 juillet, après que l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant, l'ait dit, le Seigneur l'a dit. Et les deux prophètes du Seigneur l'ont dit, et le Seigneur l'a encore dit après que les deux prophètes du Seigneur l'aient dit. Le Seigneur l'a dit. Les paroles qu'ils disent sont les paroles du Seigneur Dieu. Chacune des prophéties que vous entendez, le dénominateur commun est que le Seigneur Dieu, le Père, a parlé avec eux. Dieu, le Père, parle avec eux. Un autre dénominateur commun, comme nous continuons, c'est que le Seigneur Dieu parle par voix pour affirmer leurs actions, l'autorité de commander les cieux, le trône de Dieu, comme pour dire « Oui, vous avez l'autorité de commander même le trône de Dieu et les cieux obéissent. » Maintenant, c'est une relation redoutable qu'ils ont avec Dieu le Père. Laissez-moi vous ramener au 9 août 2018. À nouveau, à cause de l'importance des paroles qu'ils ont dites là. Le 9 août, voilà ce qu'ils ont dit. Le Seigneur a déjà parlé à plusieurs reprises, disant que lorsqu'il amènera ces deux prophètes redoutables à Lima, Pérou, il y aura une méga visitation où les cieux s'ouvriront et le Seigneur, la gloire du Seigneur se déversera des cieux. Je l'ai vu cette nuit à nouveau. Il me montre, maintenant déversera des cieux. Je l'ai vu cette nuit à nouveau. Il me montre maintenant quand le Seigneur envoie son serviteur là-bas et il commande aux cieux de s'ouvrir. Il commande aux cieux de s'ouvrir et dans le processus, je, l'homme de Dieu, je vois les cieux s'ouvrir et la pluie tomber. Des gouttes. De belles gouttes de pluie. Et le Seigneur a parlé par voix, à nouveau. Dieu le Père parle des cieux et dit. Regarde, les cieux sont maintenant ouverts. Ici, à ta présence. Et les beaux torrents de pluie et de bénédiction sont maintenant déversés des cieux sur ce pays. Ainsi, le rassemblement à Lima, Pérou. Quel rassemblement impressionnant arrive à Lima, Pérou. Et ensuite, je vois, cette fois, l'un d'entre eux qui rapporte disant, « Regarde, même la nuée de Dieu tombe sur lui. » C'est le public qui le dit. Ainsi, le Seigneur va ouvrir leurs yeux. Certains d'entre eux verront. Voilà ce qu'a dit l'homme de Dieu, le prophète le plus puissant du Seigneur, le 9 août de l'an 2018, en direct sur la radio Jésus est Seigneur, en direct sur la radio Jesus is Lord, Jésus est Seigneur. Les deux redoutables prophètes de Jéhovah Yahvé ont annoncé la visitation redoutable du Seigneur Dieu qui prendrait place à Lima, Pérou. Commandé par ces deux redoutables prophètes de Yahvé, et vous entendez dans la prophétie, ils commandent aux cieux de s'ouvrir et la gloire du Seigneur se déverse. Ce que nous avons vu, les torrents, le 28 août. Les gouttes de pluie du trône de Dieu. C'était le 9 août 2018 et le 28 août, la sixième prophétie concernant la visitation redoutable que nous avons vue juste 2 mois plus tard. Le 28 octobre de l'an 2018, des cieux ouverts au commandement des deux redoutables prophètes du Seigneur. Les deux prophètes redoutables de Jéhovah Yahvé ont dit, « Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a commencé à parler avec moi, donc l'homme de Dieu, sur le rassemblement qui vient à Lima, Pérou. Le Seigneur parle d'une manière très puissante sur la visitation qui vient à Lima, Pérou. D'une manière très spéciale. Maintenant, il parle d'une visitation plus grande qui vient sur l'Église. Au même endroit où il a décrété des cieux ouverts. Il ouvrira les cieux et la pluie descendra. C'est un temps très, très historique dans l'histoire de l'Église, peuple bien-aimé. C'est un temps très puissant dans l'histoire de l'Église, pour lequel chacun doit se préparer. Vous entendez à nouveau que les deux prophètes extraordinaires du Seigneur Yahvé ont parlé avec le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu, Dieu le Père. La divinité a parlé avec eux. Et il va y avoir une plus grande visitation qui vient à l'Église. Et quand ils arriveront à Lima, Pérou, le Seigneur ouvrira les cieux. Les cieux s'ouvriront à leur parole le 28 août en direct sur la radio Jésus est Seigneur, Jesus is Lord. Extraordinaire, extraordinaire, très très extraordinaire, peuple bien-aimé. Souvenez-vous, c'était le jour où Dieu, le Saint-Esprit, a visité les deux prophètes du Seigneur, le 28 août 2018. Et très très choquant, la description sur ce qui allait avoir lieu à Lima, Pérou. Et très très choquant, la description sur ce qui allait avoir lieu à Lima, Pérou. Comme nous l'avons vu le 28 octobre 2018. Le 31 août de l'an 2018, la sixième fois au mois d'août, la prophétie, la méga, méga prophétie concernant la visitation choquante que nous avons vue le 28 octobre 2018. Le 28 octobre 2018. L'ouverture des cieux au commandement des deux extraordinaires prophètes du Seigneur. Écoutons ce qu'ils disent ce 31 août 2018. Je vois que lorsque je vais à Lima, Pérou, quand le Seigneur m'amène au rassemblement, alors je commande aux cieux de s'ouvrir. Les cieux obéissent et la pluie descend, tombe là-bas. Ainsi, nous sommes assis sur la visitation du Seigneur. Le 31 août 2018, les deux extraordinaires prophètes du Seigneur, pendant la fête nationale de remerciement, ils ont dit qu'ils commanderont aux cieux quand ils arriveront à Lima, Pérou, et les cieux s'ouvriront. Les cieux obéissent à leur commandement, et la pluie descend. Une visitation massive, choquante, extrêmement choquante, peuple bien-aimé. Cette visitation redoutable que nous avons vue du Seigneur Dieu, de la divinité, le 28 octobre 2018, des cieux ouverts et la libération de la pluie du Saint-Esprit et les cristaux des cieux. Cela a été prophétisé de nombreuses fois. Le Seigneur en a parlé à plusieurs reprises. Personne bien-aimée, le temps passe, nous voulons encore parler de ce jour extraordinaire où le Seigneur a déversé sa bénédiction, la pluie du Saint-Esprit de son trône. Et encore des cristaux, de vrais cristaux que les gens ont collectionnés. Une pluie extraordinaire maintenant. La pluie du Saint-Esprit, du trône de Dieu. notre orgueil, nos résistances. Viens relever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mauvaises lèvres et que nos querelles se Seigneur, nous voulons te demander pardon pour notre vie de péché. Seigneur, je viens à tes pieds pour te demander pardon pour les péchés sexuels, pour te demander pardon d'avoir pas reconnu ton autorité. Je voudrais que tu sois mon Seigneur et mon Roi pour l'éternité et mon Sauveur. Amen. Précieux auditeurs, surtout, ne restez pas seuls. Vous pouvez contacter cette radio, écrire un message et l'envoyer au +254 727 50 30 30. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis pasteur Yvon Auguet et je vous remercie d'être resté avec nous pendant ce programme. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux sans du pardon, je veux. adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être que toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le